Yeah. Dao Man, Prince d'Arabie. La répression. Ce qui pousse la populace, c'est la dépression. Dugda, 944, 60 dans le temps. Yeah. Avant que ton enfant vienne au monde et que sa vie débute, il sait qu'il y a des flics sur les trottoirs comme des putes. Désormais, la police n'hésite pas à tirer. Je t'assure que tous les jeunes de banlieue tombée sont partis en martyrs. Les jeunes d'origine africaine remplissent les cachots. Le Pen au deuxième tour, on vit dans un pays de facho. La police frappe les nôtres et les plaque par terre. Aide quoi semer la hagra dans un vol charter. Les putains de lois qui nous maintiennent au fond. Je donne mon avis, car c'est profond. À la France, l'Afrique a donné des bras. Elle nous a plongés dans un coma cérébral. Ils sachent qu'on n'est pas venu en touriste, mais pour une mission. Dans tous les quartiers défavorisés, il n'y aura jamais de soumission. L'UMP, un gouvernement à tendance le péniste. 100% des flics de France sont des extrémistes. Le ministre de l'Intérieur est devenu un héros. On en a rien à foutre de ça, tolérance zéro. Que nos continents comprennent ce à quoi tous les jours on assiste. Être un étranger dans un pays fasciste, c'est la peur de notre afflux qui a fait qu'il ne se cache plus. Si t'es d'origine étrangère, ils estiment que tu dois être oppressé. Mais vouloir racistes ne sont pas faites pour nous, on est trop pressé. La répression dans le dos à vos portons, et ils appellent ça la répression. Seul moyen d'expression que l'État exerce en sommation pour mater la rébellion. La répression. Hommage à tous ceux que la police exécute, comme dans certains quartiers, aux salles réputées. La répression. Chez Talon Stark, on te souhaite la bienvenue en enfer, et ça en empire ouais. Dans la salle. Un discours construit pour des actes réfléchis. Il guettonnait pas qu'anarchie dans quelques mots pour voir que la hiérarchie. Camaro sans droit de vote, mais tant de choses à dire face au complot et le destin d'exclus qu'ils aimeraient nous prédire. Et si c'est vive la répression, mise à l'amende et Wallou en échange. Toujours les mêmes qu'on pointe du doigt, racisme, du flouze, les mêmes qui mangent. Marginalisés depuis hier et encore plus aujourd'hui. Timbre, CSDF, musulmans étrangers, à la belle France en nuit. Des pourris du fond à la forme qui s'érigent en exemple. Un état assassin, mille une carotte balayée en ingé sang. Puis même certains des maires qu'on laissait bien fondés de leur action. Nouvelle politique, nouveau slogan, propagande de communication. Sensation de baratin pour esquiver notre condition précaire. Les victimes de leur système, ils en ont fait des beaux émissaires. Paraît qu'il y a du changement dans les statistiques. Bien sûr que ça fait du bien aux oreilles de la France profonde rustique. Y'a trop de maniques sur petit écran, faut le voir pour le croire. Regarde qui on invite, des gros schmatias pour parler de nos déboires. T'inquiète, ils ont bien fils les trucs pour nous la mettre profond. Ça lui viendra de nous-mêmes dont je prône pour plus du monde dans les bas-fonds. Pas de paranoïa, non, mais bon, je me fie pas au hasard. Là, ceux qui décident, exécutent ceux qui se testent, auto-tricard. Bazar organisé, chez un autre star cravate déguisé. Le maghrébin est craint et le noir méprisé. La répression. À vos portons, et ils appellent ça la répression. Seul moyen d'expression que l'État exerce en sommation pour mater la rébellion. La répression. Hommage à tous ceux que la police exécute, comme dans certains quartiers, aux salles réputées. La répression. Chez Talon Stark, on te souhaite la bienvenue en enfer, et ça en nom de Nicolas Sarr. La répression. Dans le dos à vos portons, et ils appellent ça la répression. Seul moyen d'expression que l'État exerce en sommation pour mater la rébellion. La répression. Hommage à tous ceux que la police exécute, comme dans certains quartiers, aux salles réputées. La répression. Chez Talon Stark, on te souhaite la bienvenue en enfer, et ça en nom de Nicolas Sarko.